Chapitre 2. Premier malaise résultant des usurpations du pouvoir temporel. Richard II, Robert le Diable et son fils Guillaume. Robert de Tombelaine et l'évêque de Dole. Conquête de l'Angleterre. Les trois fils du Conquérant. Premier siège du Mont-Saint-Michel. Robert en Palestine. Sa gloire, sa mort. Cruauté d'Henri Beauclerc. Les abbés imposés et les caprices d'Henri. La grande merveille qu'on n'admire pas. Mort de Henri Ier, Henri II Plantagenet et l'élection libre. 1. Il arrive, assez solitaire, travaillant pour l'autre royaume, de ne point recueillir ici-bas la juste part de gloire qui leur est due. Beaucoup de gens du monde ne savent pas le nom d'Hildebert, l'homère de ce poème de granit auquel le génie monacal allait ajouter de si merveilleux chants. On doit s'en consoler en songeant à l'étrange élite de noms odieux ou seulement médiocres que les gens du monde collectionnent à l'aveuglette dans l'agenda mal habité qui leur sert de panthéon. Heureux celui dont la mémoire périt mais dont l'œuvre est impérissable. Toute chose a sa force dans sa base, nous venons de le reconnaître une fois de plus en parcourant ces substructions herculéennes sur lesquelles repose la basilique de Saint-Michel. Indépendamment de la règle de Saint-Benoît, base surnaturelle, la paix de la communauté reposait sur trois colonnes fondamentales, la bulle du pape, le praeceptum du roi, la charte du duc, assurant ensemble cette autre base temporelle, il est vrai, mais si large, la légitimité du pouvoir dans la libre élection. Jusqu'à Hildebert, le respect de cette loi avait produit quatre prélatures aussi paisibles que fécondes. Mais les hommes ne veulent jamais le bien longtemps, ni avec suite. Richard II, quoiqu'il eût été le bienfaiteur constant de l'abbaye sous le rapport matériel, porta le premier atteinte à cette mystérieuse force, la légitimité qui résidait ici dans l'accomplissement même du droit et du devoir des moines électeurs en violant à l'étourdi le pacte souscrit par ses ancêtres. Pour amener ce manquement à la foi promise dont les résultats devaient être si funestes, il eût suffi peut-être de la versatilité commune à tous les hommes, mais d'autres causes encore y contribuèrent, parmi lesquelles il faut ranger une immigration assez considérable de moines lombards qui eut lieu vers cette époque. Leur introduction à la cour de Richard II et par suite au Mont-Saint-Michel fut l'œuvre de Guillaume de Dijon, originaire de la péninsule, quoique son nom ne semble point l'indiquer. Guillaume était abbé de Fécamp et instaurateur d'une réforme que Richard voulut implanter à l'abbaye du Mont. Richard ne s'adressa pas à Guillaume lui-même, mais à son neveu, Suppon, et sans tenir compte du droit d'élection acquis aux moines, il fit offrir à ce Suppon, abbé de Saint-Bénigne de Fructuare, au diocèse de Versailles, le bâton pastoral du Mont-Saint-Michel. Ici s'entame la première page de notre histoire qui soit entachée d'obscurité. Suppon accepta-t-il, demandant seulement du temps, comme l'affirme D. Thomas Leroy, refusa-t-il, selon l'opinion la plus répandue, mais qui ne s'appuie sur rien, Almode et Théodoric, les deux successeurs immédiats d'Hildebert, furent-ils de vrais abbés ou de simples administrateurs? Je ne trouve nulle part une réponse précise à ces questions. Ce qui est certain, c'est que Richard II décéda sous la prélature ou l'administration d'Almode le 23 août 1026. Après lui, Richard III, son fils, régna 2 ans seulement et finit, on le croit, d'une façon tragique, laissant la couronne à son frère, Robert le Diable, soupçonné d'un crime odieux. À celui-là, les légendes et le théâtre ont fait une infernale renommée. C'était un vrai Normand d'avant Rollon, hardi, avide, n'ayant ni loi ni foi, mais sachant prodiguer l'or qui ne lui coûtait rien. Il méprisait le mariage. Son fils illégitime fut Guillaume le Conquérant. Le Mont-Saint-Michel n'eut pas d'abord à se plaindre de ce turbulent soldat qui confirma en 1029 toutes les libéralités de ses devanciers. Mais Alain III de Bretagne, autre et plus généreux bienfaiteur de l'abbaye, ayant l'année suivante pris parti pour Canut contre Édouard en Angleterre, une guerre furieuse s'alluma entre la Bretagne et la Normandie. Robert, que nul scrupule n'arrêtait, attaqua son voisin en pleine paix, surprit Dole où il tua l'archevêque sous le portail de l'église et ravagea tout le plat pays. En même temps, sa flotte menaçait Saint-Malo. Alain se vit perdu et négocia par l'entremise de l'archevêque de Rouen, dont il était neveu, aussi bien que Robert lui-même, une paix très dure qui fut signée au Mont-Saint-Michel. Il semble que l'abbé, ou administrateur, Almode, révolté par la déloyale victoire de Robert, prit trop ouvertement le parti d'Alain au cours des négociations, car aussitôt après la paix faite, il fut expulsé du Mont sans autre forme et remplacé par le pieux abbé de Jumièges, Théodoric, frère de Suppon. Le passage de ce saint homme au Mont fut malheureusement très court, et il mourut, dit Don Huyn, le même jour qu'Almode décédait au monastère de Cerisy, 1033. Alors reparaît l'autre Lombard, Suppon, qui travaille pour reprendre son propre droit ou recueillir l'héritage fraternel. Il quitte son abbaye de Frutuaria, il vient à la cour de Rouen, c'est un religieux de mœurs mondaines et de brillante vie. Il plaît à Robert et le voilà définitivement installé au Mont, où il amène avec lui toute une colonie italienne de parents, de clients et de serviteurs. On accusa bientôt ce Suppon de dépenses excessives qui n'avaient pour objet ni l'achèvement des travaux ni le bien spirituel de la communauté. Don Huyn lui reproche ses libéralités envers les seigneurs et surtout envers ses parents qu'il faisait venir de Lombardie. Don L. de Caen, allant plus loin, dit qu'il fut une pierre d'achoppement pour ses religieux. Est-il besoin de faire remarquer combien toutes ces choses manquaient déjà de régularité et même de dignité? Là où n'est pas le droit légitime, tout déchoit avec une rapidité qui étonne. On n'a pas dit que Suppon fût un intrus à cause de quelques semblants d'élection qui avaient eu lieu. Il n'en est pas moins certain qu'il s'asseyait dans la chaire, jusqu'alors si bien occupé, des abbés de Saint-Michel par le bon plaisir seul de l'autorité temporelle. Comme il alla enfin jusqu'à vendre des terres conventuelles pour subvenir à ses prodigalités, on le mit en demeure de résigner ses fonctions. Sous le gouvernement de Suppon, Édouard d'Angleterre donna à l'abbaye le Mont Saint-Michel de Cornouailles, qui existe encore dans un état parfait de conservation et présente, dit-on, avec le sanctuaire français, de remarquables ressemblances archéologiques. 2. Robert le Diable avait laissé ses eaux depuis longtemps, 1035, à Nicée, en Bithynie, empoisonné comme son frère, si l'on en croit Robert Wace. Il avait désigné pour son successeur Guillaume, son fils naturel, très grand dans l'histoire, mais qui n'était pas sans ressembler à son père sous plus d'un rapport. Guillaume eut l'adresse de se créer un droit quasi légitime en épousant Mathilde, qui, par sa mère, descendait de Richard III et à qui il fit une si malheureuse existence. Entre autres mauvais procédés qu'il eut d'abord vis-à-vis de l'abbaye, il en faut citer deux. Une spoliation. Un abus d'autorité. Guillaume reprit en effet aux moines la portion de l'île de Guernesey que son père leur avait léguée, et en second lieu, après la retraite de Suppon, il leur imposa pour abbé par la force Raoul de Beaumont, bon gentilhomme qui fit édifier les quatre gros piliers de la basilique encore existants, quoiqu'il menace ruine depuis 1647, au dire de Don le Roi. Sous Raoul fut composé le livre des miracles du Mont Saint-Michel, auquel nous avons déjà fait des emprunts. Dans ce livre des miracles se trouve une observation très frappante relative aux abbés illégitimes et non librement élus. Elle a presque la valeur d'une prophétie. Raoul de Beaumont, parti pour Jérusalem, venait de mourir en route. À propos de cette fin, l'auteur anonyme dit que Saint-Michel, gardien de ce lieu, ne permet point qu'il soit souillé par la sépulture d'aucun supérieur de ce genre, quoique la puissance séculière y ait précipité, comme à travers une haie, certains plutôt loups ravisseurs qu'abbé. Aucun étranger n'a pu prendre violemment pour soi ce monastère sans le perdre avec honte. Dans ses notes conservées à la Bibliothèque nationale, Don Huyn prouve que le même fait providentiel s'était continué jusqu'au XVIIe siècle, et nous savons aujourd'hui qu'aucun des abbés commendateurs, dont plusieurs furent plutôt loups ravissants que pasteurs, n'eut l'honneur d'avoir sa sépulture au Mont Saint-Michel. Après la mort de Raoul, arrivée en 1068, la terreur inspirée par le duc fut si grande que les moines, n'osant user de leurs droits, restèrent 3 ans sans supérieur. Enfin, Dieu eut pitié de ses serviteurs et fit que Guillaume ne s'opposa plus à une élection régulière, d'où sortit aussitôt une prélature heureuse. Ranulf, l'abbé choisi librement par ses frères, jouissait d'une estime si haute que Guillaume lui-même, selon Don de Caen, le révérait comme un père et comme un saint. Il y avait une liberté dans ces austères obéissances du cloître, parce qu'il y avait une admirable mesure dans l'autorité. Sous le gouvernement de Ranulf, on vit deux religieux très éminents, dont l'un est honoré comme saint par l'Église, Anastase et Robert de Tomblaine, se retirer sur l'îlot de ce nom du consentement de l'abbé. Voici à quelle occasion. Ils s'étaient formés, tant à l'abbaye que dans la ville d'Avranches, une école composée de personnages illustres par leur éloquent savoir et leur piété, dont les noms pour la plupart sont restés historiques. C'était entre autres Aumont, Anastase et Robert, à Avranches, les deux grands orateurs, Lanfranc et celui qui devait être saint Anselme de Canterbury, plus l'évêque Jean, l'évêque Michel et le comte Hugues Leloup. Anastase, grec de naissance, était venu de Venise, peut-être avec les Lombards de Suppon, où les avait suivis de près. Il fut bien vite attiré vers Robert par une complète parité de goûts simples, de mœurs pures, de ferveur et de savoir. Quand la charité peut-être trop généreuse de l'abbé Ranulf recueillit au Mont l'évêque de Dole, Juel, qui avait été chassé de son diocèse pour fait de simonie, Robert et Anastase se sentirent inquiets de vivre auprès d'un si grand coupable et se retirèrent à Tomblaine, d'où Robert prit son nom. Ce fut là que Robert de Tomblaine écrivit son commentaire du Cantique des Cantiques, tant admiré au Moyen-Âge. Anastase partageait sa solitude. Lanfranc et Anselme, dont l'enseignement jetait sur Avranches un si grand éclat, les venaient visiter souvent, et Anselme, devenu abbé d'Ubec, avant de prendre la crosse d'archevêque, écrivait à Robert « Je te supplie de me recommander au saint homme Anastase, avec lequel tu as le bonheur de vivre. » Il n'est parlé d'aucun blâme par rapport à la pitié mal placée de Ranulf à l'égard de ce Juel. D'un autre côté, la retraite d'Anastase et de son compagnon ne fut point censurée. Ces temps taxés de tyrannie respectaient la conscience. Robert alla gouverner l'abbaye de Saint-Vigor en qualité de prieur, et Anastase, avide de combat, porta l'évangile aux Sarrasins d'Espagne. Cependant, il se préparait quelque chose d'à la fois très grand et très maculé de ces tâches qui souillent toute grandeur humaine. Le fils de Robert le Diable, Guillaume, allait passer en Angleterre et brûler ses vaisseaux, créant ainsi le plus fameux des proverbes d'aventure et enseignant aux spéculateurs politiques de l'avenir tout l'industrieux parti qui se peut tirer du désespoir. Guillaume connaissait son peuple normand, qui était déjà le peuple anglais à peu de choses près, avant même de posséder la terre anglaise. Il savait que ce peuple, adouci, mais non transformé, avait toujours la passion non point du tout de la vaine gloire que rapportent les batailles, cela est français, mais du riche commerce qui se peut faire avec l'épée. Il n'entama pas la guerre tout de suite. Il y préluda par la diplomatie adroite jusqu'à être perfide. La célèbre tapisserie de la reine Mathilde, conservée au musée de Bayeux, raconte à la fois les petites ruses préliminaires de Guillaume et le douloureux abandon où languissait sa femme. On y voit Harold, le futur compétiteur de Guillaume au trône d'Angleterre, venir à son secours dans sa lutte contre les Bretons. Harold est un géant de force et de vaillance. Guillaume, par une gratitude qui contient de la trahison, veut l'armer lui-même chevalier, et l'imprudent Harold jure foi et hommage entre ses mains, sans songer qu'il renonce ainsi à la couronne d'Angleterre. Guillaume, ami trop habile et mari sans cœur, s'était concilié le suffrage d'Édouard le confesseur qu'il avait choisi pour son héritier. Ce n'était pas un instrument pur, mais c'était un outil puissant, et comme il continuait à son insu les actes de Dieu par les Francs, il eut le secours de l'archange ministre de Jésus-Christ qui aime les Francs. À la mort d'Édouard, les préparatifs de Guillaume, terminés dans le silence, étaient formidables et contenaient déjà la conquête. On peut dire que la Normandie entière s'arma avec cette furieuse allégresse des ancêtres pirates partant pour la curée de l'or et du sang. Entre tous, les pays de Coutances, d'Avranches et de Mortain fournirent les plus nombreux soldats et les plus nobles chefs. On retrouve encore leurs noms au Peerage d'Angleterre, Avenel, Grosvenor, Montgomery, Montaigu et 20 autres. Le comte de Mortain, suivi de l'épictaifer, portait la bannière de Saint-Michel. On s'embarqua à Dives par une rude marée d'octobre de l'an 1066 et l'on toucha la côte d'Angleterre dans la nuit qui précède la fête de l'apparition de l'archange. Pendant que les vaisseaux flambaient, les gens d'église, d'Isois, litanies et psautiers, que répétaient soldats et capitaines, les Anglais, au contraire, vidaient dans leur camp, autour de grands feux, leurs cornes de bière ou de vin. La bataille d'Hastings commença avec le jour à l'heure où se disaient au mont les matines de la fête du 14 octobre. Ce fut une sauvage mêlée, et Robert Wells y montre le héros taillefer à cheval, battant, taillant, chantant les exploits de Charlemagne et de Roland, et d'Olivier et des vassals qui moururent à Rennes-Cheval. Ainsi l'Angleterre fut conquise un jour de Saint-Michel par ceux qui portaient l'étendard de Saint-Michel en chantant les exploits du paladin français à qui Dieu avait envoyé sur le champ de bataille le suprême baiser de Saint-Michel. Ranulf équipa aussitôt 6 forts navires pour ramener son duc, ce qui ne l'empêcha point d'achever la nef de la basilique selon le plan d'Hildebert. Il fit travailler aussi, dit Don le roi, au cimetière des religieux, aux galeries et hautes murailles du château, mais je n'estime point que rien nous en reste à présent, si ce n'est les commencements des murailles, sur quoi les suivants abbés ont fait eslever nouvelle maçonne. Guillaume se servit des 6 vaisseaux de Ranulf et témoigna largement sa reconnaissance à l'abbaye. Nous ne ferons plus le compte de ses libéralités. Le Mont-Saint-Michel voyait un horizon immense et possédait dès lors, à peu de choses près, tout ce qu'il voyait. 3. Mais Guillaume, pour avoir coiffé la couronne fermée par-dessus son cimier ducal, n'en était pas devenu plus obéissant à la loi d'honneur. Il méprisa, quand Ranulf mourut en 1085, les promesses de ses pères et l'ordre du pape. Roger, son propre chapelain, fut institué abbé au préjudice du droit des moines. Ranulf eut sépulture au mont, comme tous les abbés légitimes. Roger, non. Ce Roger n'était ni un mauvais homme, ni un mauvais abbé, à part le vice de son intronisation opérée par la violence terrestre. Nous avons déjà vu le Mont-Saint-Michel protéger le faible, à ses risques et périls, dans la querelle de Robert le Diable contre Alain de Bretagne. Il en va être encore de même dans cette guerre, si caractéristique et si bourgeoisement étroite, qui divisa les 3 fils du conquérant. Il y a une malédiction mystérieuse dans le péché qui viole la sainteté du mariage. Les bâtards, par eux-mêmes, ont souvent une vie heureuse et glorieuse. Presque jamais leur œuvre n'est sans contenir un élément très funeste. Les fils légitimes de Roland firent le Mont-Saint-Michel. Les fils du bâtard de Robert le Diable furent bien près de l'anéantir. Pour ceux qui, ne voulant point voir la main de Dieu, estiment que le sort de ce rocher est en définitive peu de chose, nous ajouterons qu'avant Guillaume, l'Angleterre était l'île des saints. L'illégitime y sema, sans même le savoir, cette herbe de convoitise qui fut, 3 siècles et demi plus tard, la litière d'Henri VIII, la moisson de Calvin, le poison de l'Église, le grand pâturage du troupeau matérialiste marchand et la première cause de glissement dans l'immense culbute sociale qui menace aujourd'hui le monde. Les gens qui s'emparent des royaumes n'emportent pas bien loin le prix du sang. L'heure de la mort les humilie et les raille. Ce tout-puissant bâtard, roi et duc, eut un enterrement plus triste que celui d'un mendiant. Un homme dont il avait volé le champ arrêta son cercueil qui descendait en terre, et ce veto du pauvre, possesseur légitime, fut respecté. Le royal cercueil resta suspendu au-dessus de la fosse. Je ne sais pas si nos temps qui portent les mots « liberté » et « égalité » sur l'oreille comme des panaches offriraient beaucoup d'exemples d'un pareil excès d'égalité et de liberté. Pendant qu'on se disputait ainsi auprès de la fosse ouverte, où le vainqueur d'un grand peuple ne pouvait obtenir la petite place de tout le monde, son second fils, Guillaume le Roux, se faisait couronner roi au préjudice de son frère aîné, Robert Courteheuse, qui se faisait couronner duc. le troisième frère, Henri Beauclerc, en fut réduit à acheter un apanage au comptant, et Robert Courteheuse lui vendit pour 3000 marks d'or l'Avranchin avec le Cotentin. Ne dirait-on pas des fils de trafiquants ? Ce n'est pas tout. Le frère roi voulut encore la part du frère duc. Ils se battirent, et pour finir leur querelle, ils tombèrent ensemble sur le petit domaine, acheté et payé par le frère qui n'était ni duc ni roi. Celui-ci demanda asile au mont. La lignée de Robert le Diable semble avoir été en avance notablement sur son siècle, au point de vue des affaires, et la loi punique morte jadis avec Carthage renaissait du mariage anglo-normand. Ses trônes devinaient et pratiquaient le génie du comptoir. Ils vinrent deux contre un, deux torts contre un droit, deux forts contre un faible, et les chroniqueurs anglais, tout pleins des récits de ce siège, penchent à le regarder comme glorieux pour les assaillants, puisqu'ils étaient 5 ou 6 fois supérieurs en nombre. Guillaume était à Genet. Robert campait près d'Ardevon. Henri descendait du mont, et l'on bataillait sur la grève. Cela dura 40 jours. Knighton et Polydore Virgile, en racontant ces escarmouches, songent manifestement au siège de Troyes. Au bout de 40 jours, Henri l'assiégé eut soif et demanda de l'eau. Le duc Robert, le meilleur des 3 frères, lui en donna. À cette nouvelle, le roi d'Angleterre ne se tint pas de fureur. « Que ne lui fournis-tu aussi des miches ? » demanda-t-il. Puis, dépité comme Achille, il se retira sous sa tente et leva le siège. Nous n'avons point parlé de Saint-Michel dans cette sanglante chicane où l'ange de la patrie n'avait que faire puisque chacun de ces 3 Normands ne songeait qu'à soi. Il y a longtemps que nos chroniqueurs ne nous ont fait mention de miracles, mais la croix en accomplit toujours. Des 3 héritiers de Guillaume le Conquérant, celui qui avait donné le verre d'eau à son frère altéré, selon le précepte de Jésus et la loi de la nature, le duc Robert Courteheuse, mit un jour la croix sur sa poitrine et fut aussitôt un héros. C'était à l'instant où le cri de Pierre l'ermite, éloquence irrésistible, entraînait vers les lieux sanctifiés par la mort du Sauveur, la fleur des chevaleries européennes. Robert engagea ses domaines à son frère anglais et partit à la tête de ses plus braves barons. Nous n'avons point trop dit. Sa valeur le mit au-dessus de tous ces autres héros dont les prouesses ont ébloui le monde jusqu'au siècle où il s'est trouvé des difformités assez basses sur jambes pour cracher l'écume de leur envie à la beauté de ces géants. Les historiens de la première guerre sainte célèbrent les prodiges de Robert aux batailles de Dorylée, d'Antioche et de Jérusalem où il fut la gloire et le salut de l'armée chrétienne. Orderic Vital mentionne sa dévotion au prince des anges. Et comme Roland, Robert appelait dans les mêlées l'aide de Saint-Michel du Péril. Ce fut lui qui suspendit l'étendard et l'épée opime du Soudan à la voûte du Saint-Sépulcre. Il refusa la couronne royale de Jérusalem. Dieu aimait ses croisés, libérateurs de son tombeau, et dont beaucoup furent récompensés au retour par d'amères souffrances. Pendant l'absence de Robert, Guillaume le Roux était mort dans son lit, et Henri Beauclerc, le frère qui avait reçu le verre d'eau, s'était emparé du trône d'Angleterre. Quand Robert revint en Normandie, Henri Beauclerc, qui lui avait pris déjà le royaume anglais, eut envie aussi du duché normand et l'envahit. Les 2 frères se rencontrèrent à Trinchebray, et le héros fut vaincu par l'autre qui lui creva les 2 yeux. Robert mourut comme martyr au fond d'un cachot. Il s'était agenouillé au mont des Oliviers, à la place même où Jésus avait souffert. Dieu l'aimait, sa part valut mieux que celle de son frère. Rien n'est si peu rancunier que l'histoire. L'histoire emploie à l'égard d'Henri Beauclerc la fameuse formule « Il fit oublier ses crimes par ses talents ». Et tout est dit. Il n'eut point, comme Robert, que Dieu aimait, sa pénitence en ce monde. Son règne fut long et heureux. Il passa pour l'inventeur de ce chaoteux ensemble de coutumes, de lois, de franchises, de privilèges et d'effrontées inégalités que beaucoup de gens admirent sous le nom de libertés anglicanes. Henri, roi et duc, eut à s'occuper des moines du Mont-Saint-Michel, ses bienfaiteurs d'autrefois, fort peu de temps après la cruelle tragédie qui suivit sa victoire de Tinchebray. Les religieux se plaignaient hautement de Roger, l'ancien chapelain du Conquérant, qui, loin de courber la tête, montrait beaucoup d'arrogance. Créature de Guillaume, il se croyait certain de la faveur de son fils, et en vint bientôt jusqu'à reléguer dans divers monastères tous ceux qui désapprouvaient sa conduite. Quelques-uns furent exilés ainsi à l'abbaye de Saint-Vigor, dont le saint homme Robert de Tomblaine était prieur. Celui-ci, ayant appris ce qui se passait au mont, où il avait gardé beaucoup d'admirateurs et d'amis, écrivit une lettre dans laquelle lui, l'ami d'Anastase, d'Anselme et de Lanfranc, racontait la vision extraordinaire d'un de ses religieux. Une nuit, dit cette lettre, il, le religieux, me pria de rassembler auprès de son lit tous les moines du mont, exilés à Saint-Vigor. De la part de Dieu, leur cria-t-il, de la part de Saint-Michel, ne retournez point au mont tant que cet homme en est l'abbé. Si vous désobéissez, vous auriez une mauvaise fin. Le Seigneur vous prouvera la vérité de mes paroles. Robert de Tomblaine était entouré de la vénération universelle. Sa lettre courut de monastère en monastère et parvint jusqu'aux oreilles du roi-duc, dont la conscience inquiète prêtait par moments grande attention aux choses surnaturelles. Il avait déjà reçu les plaintes de l'abbaye et n'y avait point répondu, mais cette fois il appela Roger à son tribunal en la ville de Caen. Le Gallia Christiana dit simplement de Roger, comme il n'avait de quoi se défendre, il résigna sans pouvoir et ne fut point enterré au Mont-Saint-Michel. On est bien obligé de remarquer que le livre des miracles continue d'être prophète. Saint-Michel ne veut pas donner chez lui sépulture à ses intrus. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose de diabolique dans la longue obstination que mettent les fils de Robert le Diable à violer sans prétexte aucun le droit d'élection conféré par leurs aïeux aux serviteurs de l'archange. En sortant de son tribunal où il venait de condamner Roger Ier, créature de son père, Henri imposa à l'abbaye sa créature à lui, Roger II. Les moines ne furent même pas consultés par ce fondateur des libertés anglicanes qui paraît avoir compris la liberté un peu capricieusement et comme le font nos libres penseurs dans toutes les libres questions où ils se mettent à l'aise en confisquant le droit d'autrui à leur profit. Cependant, le choix du roi d'Angleterre, inique en son principe, fut ici le meilleur possible. Roger II, le nouvel abbé, était un homme docte, de grande religion, et en tout capable de gouverner un monastère, au spirituel comme au temporel. Le bien peut naître du mal pour peu que cela plaise à Dieu. Dans la déroute morale de nos dernières années, nous avons vu avec émerveillement un ministre, partisan de la bénédiction nuptiale donnée par M. le maire, et des enterrements à la fleur jaune, mériter une réputation proverbiale pour le bonheur de ses choix en fait d'évêque. Ce sont les jeux de la clémence divine.